À l'aube du XVIIe siècle, le Japon était un empire fermé que très peu d'étrangers connaissaient. Le hasard poussa John Blackthorne sur ses rivages. Le seigneur grand exécuteur des hautes œuvres veut te voir. Le destin le conduisit au centre de sa puissance. Et l'amour l'amena au cœur de sa sereine beauté. Ah, l'amour! Ah non, mais c'est savoureux. Un extrait de la série Shogun qui avait été présentée au début des années 80, qui avait été un succès planétaire. Et on vous en parle parce que nos collègues de l'émission Tout Terrain, Jannick Tremblay, nous racontent qu'il y a une nouvelle édition, une nouvelle version qui est disponible maintenant sur Disney+, et qui remet l'art samouraï au goût du jour. Jannick est allé rencontrer le professeur Richard Béliveau. Vous le savez, c'est un fan fini de la culture nippone. C'est un spécialiste des samouraïs. Il a une collection impressionnante. Et on vous présente juste un extrait de l'entrevue. C'est vraiment une très, très belle rencontre entre ces deux hommes. Et il est surtout question dans cet extrait-ci de code d'honneur, de façon de vivre et de la culture nippone. Un peu moins de ce qui se passe donc sur les champs de bataille et sur les guerriers et les méthodes guerrières des samouraïs. On les écoute. Quel genre d'homme exerce le pouvoir dans un pays comme celui-ci? La mort est l'unique châtiment ici. Je me suis battu trop longtemps et trop dur pour arriver ici. La vie et la mort sont la même chose. Les deux peuvent avoir de la valeur et un but. Alors, bienvenue dans mon musée privé des samouraïs. Ça, c'est une des folies que je me suis payé. C'est, je me suis aménagé un espace pour exhiber une portion de ma collection d'art samouraï, d'armure, de sabres, de lances, de bolletés et d'objets qui sont associés à l'histoire fabuleuse des samouraïs qui a duré 700 ans. Parce que ce qu'on a devant nous, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ce sont de véritables armures de l'époque Edo, en tout cas du Japon féodal, est-ce que c'est ça? Exactement, exactement. Les pièces que j'ai couvrent de la période Heian. J'ai des sabres des années 1000, du 11e siècle, jusqu'à la fin des samouraïs, jusqu'à des sabres et des armures de la fin de la période Meiji, 1867. Au cœur de cette série Shogun, il y a le Bushido. Oui. Et là, vous me corrigerez si je me trompe, mais est-ce qui est un peu le code de vie des samouraïs? Exact. Bushi, c'est guerrier, et Do, c'est la voix. Judo, c'est la voix de la souplesse. Ju, c'est souplesse. Kendo, c'est la voix du sabre. Chado, c'est la voix du thé. Donc, pour les Japonais, que vous appreniez à vivre en faisant une cérémonie du thé, en arrangeant des fleurs ou en vous combattant au sabre, c'est le même principe. C'est la voix qui est importante. C'est ce qui vous amène à l'illumination intérieure, au dépassement, à la transcendance, à la perfection. Et vous dites quelque chose d'important parce que on pense à la violence qu'on associe au samouraï, mais il n'y a pas que ça, bien au contraire. Ah ben non, le Bushido, c'est un code de comportement, c'est la loyauté, c'est l'honneur, c'est le dévouement, c'est la sincérité. Ce sont des vertus inspirées du Confucius et du taoïsme et du bouddhisme qui ont été intégrés, fusionnés dans une discipline de vie. Le travail qui semble être derrière la confection de ces armures de samouraï-là est vraiment très impressionnant. Ce sont des fils de soie qu'on voit? Exactement, exactement. Cette armure-là, c'est une armure qu'on appelle Kozane, et c'est fait avec des milliers de pièces de métal qui sont forgées à la main, évidemment, trouées à la main, laquées à la main, assemblées avec des centaines de mètres de cordons de soie. Alors, ce qu'on voit, c'est juste la surface de ça. Donc, ce sont des chefs-d'œuvre qui sont souvent des couleurs. C'est de la soie pure. C'est signé. Le but de ça, c'est, encore une fois, c'est de resplendir sur le champ de bataille, d'entrer dans la tête de votre adversaire. L'intimidation toujours. L'intimidation toujours, c'est de montrer que votre armure est resplendissante et que vous êtes un grand, grand seigneur, donc que vous êtes très puissant. plus vous grattez cette culture-là, plus... Moi, je suis encore surpris par certaines choses que je lis, que j'apprends aujourd'hui, tellement c'est un univers d'une complexité. Mais Richard Béliveau, vous êtes même ému quand vous en parlez. Ça oui. transpire de vos propos et de votre... Les auditeurs ne le voient pas, mais même de votre faciès, de vos mimiques, de... Ça vient vous chercher énormément. Oui, oui, parce que pour moi, ça a été déterminant. Cette culture-là m'a influencé, elle m'a aidé à passer à travers les épreuves. On a tous des épreuves dans la vie, des épreuves personnelles, professionnelles, émotionnelles, de tout. Et le fait de garder son focus, le courage qu'inspirent ces grands personnages-là, l'abnégation, le dévouement, la loyauté, pour moi, ça a été... Les vertus du Bushido. Les vertus du Bushido, pour moi, ça a été fondamental dans toute ma vie. C'est pas quelque chose qui est à part de mon existence professionnelle. Ça a fait et ça fait partie intégrale de ce que j'ai été comme être humain et de ce que je suis comme être humain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... vous accroche ou vous arrime au monde dans ces valeurs-là? Parce que on vit dans une période, j'ai envie de dire, une période un peu trouble, non seulement en ce qui concerne les conflits qu'on voit surgir à gauche et à droite, mais il y a comme une agitation qui nous touche tous avec la technologie, avec nos téléphones, avec le fait qu'on fait une chose parfois et son contraire dans la même journée, alors que les valeurs issues de cette culture japonaise-là touchent beaucoup à, j'allais dire à la routine, mais c'est plus que ça, c'est au rituel. Ça va plus loin que ça. Exact. C'est très important ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord avec ça. La ritualisation, une des signatures de la société traditionnelle japonaise, c'est la ritualisation. Il n'y a pas de société plus ritualisée dans l'histoire de l'humanité, peut-être, que la société japonaise. On le voit dans Shogun. La façon qu'il va se courber les chines, la façon qu'il va se présenter. Si on revient là, aux sept vertus du samouraï, là, droiture, courage, bienveillance, politesse, sincérité, honneur, loyauté, sont des valeurs qui sont universelles puis éternelles, ça. Et on a perdu ça avec nos sociétés contemporaines. Fondamentalement, ce qui m'a attiré dans les samouraïs, c'est le samouraï vit pour vaincre sa peur de la mort. Le symbole du samouraï, c'est le sakura, la fleur de cerisier. Le sakura est fondamental dans la culture samouraï, parce que dans l'esthétique japonaise, c'est la plus belle des fleurs, mais elle est également très fragile. Et le samouraï, le jeune samouraï, est éduqué avec l'idée que sa vie est comme une fleur de sakura. Très belle, mais très fragile. Faut se rappeler qu'on est, la vie est extraordinaire, les cellules ont des capacités de résilience puis de survie extraordinaires, mais la vie est également très fragile. Et cette fragilité-là, pour moi, est inspirante. Elle me permet de mieux vivre, elle me permet de plus apprécier le quotidien. Richard Béliveau, vous venez de nous fournir une toute autre grille de lecture pour cette série Shogun. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions avec nous ce matin. Grand plaisir. Déjà tout pour cette édition de Lève-Tôt. On aurait pu cependant, vous parler de Daniel Auteuil qui a accordé une entrevue à l'émission Première Heure à Québec parce qu'il viendra présenter son spectacle de chansons sous peu au Québec. Et puis, on vous suggérerait aussi d'aller écouter Dis-moi ce que tu lis, une rencontre formidable entre Michel Rabagliati et Michel Rivard, tout ça mené de main de maître par Karine Lefebvre. Allez faire un tour du côté de la plateforme audio. Vous allez entendre une version dépouillée d'une chanson de Rivard. On vous laisse découvrir ça. Allez, bonne semaine tout le monde. On se retrouve samedi prochain. Salut! Chaque jour, parcourez l'essentiel de l'actualité de votre région. Les nouvelles qui vous touchent, livrées tous les matins dans votre infolettre régionale. Abonnez-vous à radiocanada.ca, infolettre. Un groupe de femmes défie les normes en laissant briller leurs cheveux gris. Un documentaire poignant sur la résilience face à l'âgisme et le sexisme. La Révolution grise, une mèche à la fois. Ce soir, 22h30, Maritime, 23h30, ici Télé. Vous écoutez Ici Radio-Canada Première au 90,5 à Kelowna et au 96,5 à Kamloops. Du cœur aux idées. Bonjour, ici Coralie Hutchison et de Regina, voici le Radio-Journal de l'Ouest. Une entreprise américaine de cybersécurité étend ses activités en Alberta. Fortinet investit 30 millions de dollars pour établir un centre de traitement de données à Calgary. Le gouvernement provincial finance en partie cette expansion qui s'apprête à créer de l'emploi dans la région. Tiffany Roquette nous en dit plus. Avec l'établissement d'un nouveau centre de traitement des données à Calgary, Fortinet prévoit de créer 85 emplois permanents et 80 emplois temporaires. Cet ajout reviendra à quadrupler son personnel dans la province. Alberta wasn't the only region that was... La vice-présidente aux ressources humaines chez Fortinet, Joyce Shaw, explique que l'Alberta n'était pas la seule province qui voulait attirer l'investissement de 30 millions de dollars de l'entreprise. Mais le gouvernement provincial a fait pencher la balance de son côté en offrant 3 millions de dollars de subventions via son fonds d'investissement et de croissance. So this definitely helped with our decision making. It made it an easy decision. Pour le ministre des Technologies et de l'Innovation, Nate Klobuchar, cet argent est justifié parce que les nouvelles technologies sont une industrie essentielle pour diversifier l'économie albertaine. Nous savons que la cybersécurité, c'est très important. Le gouvernement de l'Alberta, c'est la plus grande, une des plus grandes organisations avec une division de cybersécurité dans la province. Alors, nous sommes très investis dans l'éducation et le développement des professionnels. Les projets d'expansion de Fortinet et le recrutement des nouveaux employés devraient se dérouler au cours des deux prochaines années. Ici Tiffany Roquette, Radio-Canada, Calgary. Le premier ministre de la Colombie-Britannique s'inquiète de la circulation de médicaments sous ordonnance sur le marché noir, comme la morphine. Selon David Eby, les milliers de comprimés saisis récemment dans le nord de la Colombie-Britannique proviennent de l'extérieur de la province. Il demande une rencontre d'urgence avec son homologue de l'Alberta. Les précisions d'Amelia McCower. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, affirme que sa porte est toujours ouverte pour son homologue de l'Alberta, Daniel Smith. My door is always open to meet with Premier Smith. We obviously don't agree on everything. La première ministre albertaine craint que des médicaments sous ordonnance se retrouvent dans sa province et soient vendus sur le marché noir. Jeudi, après de multiples enquêtes, la Gendarmerie royale du Canada a saisi à Prince George plus de 10 000 comprimés, dont des médicaments sous ordonnance. Prescription medication, some of which is designated safe supply prescription medication. La GRC précise que la saisie comprend de la morphine et de l'hydromorphone qui sont des médicaments sous ordonnance d'approvisionnement sécuritaire, mais elle n'est pas en mesure de confirmer si les médicaments sous ordonnance saisis proviennent du programme britanno-colombien. David Eby affirme de son côté que les médicaments saisis ne proviennent pas de son programme d'approvisionnement sécuritaire. Less than 2% of drugs that are prescribed in this province, and so that feels like a sensationalization of... Brittany Graham, la directrice générale de Vendu, la politisation de ce programme nuit à la survie des toxicomanes qui l'utilisent. Elle ne croit pas que les médicaments sous ordonnance saisis par la GRC proviennent du programme d'approvisionnement parce qu'il ne sert que 2 % des toxicomanes en Colombie-Britannique. Elle rappelle que l'hydromorphone est aussi prescrite pour les personnes qui subissent une chirurgie et non que pour les toxicomanes. Ici Amelia McCower, Radio-Canada, Victoria. Des femmes migrantes employées en tant qu'aide familiale au Canada demandent un assouplissement des règles fédérales pour obtenir la résidence permanente. Selon elles, les exigences actuelles sont discriminatoires et ouvrent la porte à l'exploitation des travailleurs. Andréane Williams a les détails. Joey Dulaca se souvient avec émotion de ses premiers mois passés en Ontario comme aide familiale. Originaire des Philippines, elle raconte que son employeur ne lui payait que la moitié des heures travaillées. Je n'avais même pas de lit, raconte-t-elle. Comme elle, de nombreux migrants, principalement des femmes, viennent travailler au Canada chaque année comme aide familiale grâce à un permis de travail fermé qui ne les autorise à travailler que pour un seul employeur. Jusqu'à maintenant, deux projets pilotes fédéraux leur permettaient d'accéder à la résidence permanente. Les critères d'admissibilité, comme faire reconnaître au moins un an d'études postsecondaires et avoir été employé pendant au moins 12 mois sans interruption, sont toutefois difficiles à remplir pour ces travailleuses au statut précaire, selon l'organisme Migrant Workers Alliance for Change. Il est temps de modifier ces programmes, affirme la spécialiste en droit des travailleurs, Mary Gelatly, alors que les projets pilotes prendront fin en juin. L'organisme Migrant Workers Alliance for Change réclame d'Ottawa qu'il octroie la résidence permanente à tous les aides familiaux et élimine les arriérés pour obtenir la résidence permanente. Le gouvernement fédéral n'a pas répondu à notre demande de commentaires dans les délais impartis. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto. Et à l'international, la situation sécuritaire est toujours chaotique en Haïti. Des échanges de tirs entre la police et les gangs armés ont retenti toute la soirée à Port-au-Prince. Selon des témoins, les bandes criminelles veulent s'emparer des bâtiments de la police situés dans le centre de la capitale. En raison de l'insécurité, les écoles et les administrations sont fermées depuis plusieurs jours. L'aéroport de Port-au-Prince ne fonctionne plus, de même que son port, et le premier ministre Ariel Henry n'a toujours pas pu rentrer au pays. Le Canada est invité lundi à une réunion des pays de la région en Jamaïque pour discuter de cette flambée de la violence. Donc voilà, c'était vos informations. Prochain rendez-vous dans une heure. Restez à notre antenne pour plus de nouvelles. Culture et confiture, avec Mireille Langlois. Samedi 9 mars 2024, bonjour, bonjour, bon début de week-end. J'espère qu'il commence bien ce week-end et en bonne compagnie. Quant à moi, je suis bien entourée. Stéphane Gasque à la mise en onde et à la réalisation. Marc Fournier à la chronique et à la réalisation associée. Bonjour Marc. Bonjour Mireille. Toujours prêt, comme toujours un seul prêt, homme. Bien sûr. Voilà, qu'est-ce que vous en avez équipe. Dans votre besace aujourd'hui? Je vais vous parler de quelque chose dont je vous parle assez rarement, en fait, de séries télévisées. Ben oui, mm-hmm. Vous n'êtes pas un gars de télé, comme on dit. Ça dépend, ça dépend. En fait, je regarde la télé si... Ben pas la télé, parce vous que j'ai pas de télé. Vous la regardez quand elle est éteinte. Ouais, c'était facile. Je parle de ça lorsqu'il y a de la musique à l'intérieur. Ah. Donc, c'est ce qui m'attire. Et c'est pour ça que cette semaine, je vous en parle aussi. Parce qu'il y a une série américaine, un genre de suspense, qui fonctionnait très bien, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Il y a une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, il y a beaucoup d'artistes inuits féminins qui viennent du Canada. Donc, ça, je vais vous en parler. Ça, vous avez regardé. Ça, j'ai regardé. La série au complet, en fait, même. En fin de compte, la pour faire un mauvais jeu de mots ou me moquer de certains gens qui disent « j'écoute la télé », ben, c'est oui. exactement ce que j'ai fait, puisque c'est la musique qui m'intéresse. C'est ça, je vais vous la regarder, c'est un beau meuble. Mais oui, moi, ça m'étonne quand Marc me dit « oui, j'ai regardé la télé ». La télé, normalement, c'est pas dans votre vocabulaire. Mais voilà. Mais j'ai une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle pour vous. Vous allez, ouais, peut-être si vous regardez votre série, vous allez avoir une heure de moins pour la regarder. On change l'heure en fin de semaine. On va gagner une heure de lumière demain, mais on perd une heure de sommeil par contre. Ah bon, ben ça va. Ça va. Moi, j'aime bien ça. Je me dis, comme ça, tranquillement, on y arrive, on s'en va vers le printemps. Vous savez, je vous parle toujours de... Justement, manque de lumière. On a besoin de ça. Sur la côte ouest, là, je sais que du côté des prairies, vous êtes choyés. Mais oui, ici, ça fait du bien d'avoir puisqu'on une parle heure du de Grand plus. Nord. Puisqu'on parle du Grand Nord, ça c'est... Ben voilà, bon, c'est sûr qu'on se compare, on se console. Hein. Et bien sûr, il y a la Saskatchewan et le Yukon là, qui échappent. On le sait bien. Et c'est quand on ça? On peut peut-être comprendre. C'est cette nuit. Ah, bon, votre téléphone va le faire pour vous. Mais d'un coup, vous avez une activité demain, vous avez une pièce à voir, un spectacle à assister au Festival du Bois, et que la lumière, et que l'horloge sur votre four n'est pas changée. Voilà. Gardez ça. C'est noté. Merci. C'est noté. Justement, on va parler de cette fête de la francophonie, du Festival du Bois. Et cette année, on va célébrer l'Acadie pour la 35e édition. On va parler de musique en famille, non pas dans votre famille, Marc, parce que je suis sûre que vous avez fait de la musique en famille, vous. Est-ce que vos enfants ont appris à faire oui, de la musique? Oui, bien sûr. Là, oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui. Qu'est-ce que ça jouait? C'est allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on jouait chez vous? Un peu de tout. En fait, mes deux enfants sont musiciens de jazz, donc... C'est bien, oui. C'est bien. Oui. Et vous n'avez jamais songé à faire votre band avec eux, votre oui. groupe? Oui, oui. Ben, c'est ce que j'ai. La seule fois où j'ai chanté en public, c'est avec eux. Une seule fois. Ah, j'aime bien ça. Bon, peut-être qu'on aura les détails un jour. Mais... un jour. Mais en attendant, je vais vous partager ceux de la famille Leblanc, qui est une famille de cinq, trois adolescentes, leurs deux parents qui font de la musique depuis qu'ils sont tout petits, tout le monde au complet, là, même les parents, ils ont grandi là-dedans. Et c'est une famille acadienne qui vient de la baie des Chaleurs et qui vient nous voir. Ils sont en traversée, littéralement. Là, ils se promènent d'un bout à l'autre du pays. Ils arrivent en Colombie-Britannique après être passés du côté des Rocheuses. Alors, on peut les voir au Festival du Bois en fin de semaine et chez nous, alors vers 10h40, 11h40 au Yukon. À partir de la semaine prochaine, j'aurais pu à vous dire ces conversions-là, vous aurez compris. Alors, ça va être un beau moment. Il y a Zachary Richard qui va venir faire un petit tour chez nous. On va partager les meilleurs moments de ma rencontre cette semaine avec lui. Alors, on vous prépare tout ça et beaucoup d'autres choses. Et avant de vous partager ma discussion avec Zachary Richard, voici sa chanson, La Balade de Jean Batailleur. Je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Tu orphelin, abandonné sous la pleine lune, on m'a trouvé au bout du monde où je suis né. La vie est dure, l'amour cassé. C'est pas la peine de faire comme si tout est foutu, tout est pourri. La vie est dure, y'a pas d'espoir. Quand on est mauvais comme moi, passe la bouteille, serre-moi un verre. Plus que je bois, plus je vois clair. Y'a pas d'avenir, y'en aura pas. Y'a que l'amertume et le tracas. Des fois je vois l'étoile rouge. J'entends l'appel, je sens le loup. Yeah. La balade de Jean Batailleur. Et je vous ai lancé ça comme ça. Oui, oui, j'ai rencontré Zacharie Richard cette semaine. Alors, je vous explique. C'est un cadeau que j'ai reçu, mais c'est un cadeau que je vais vous partager maintenant. L'auteur, compositeur, interprète, poète, louisianais et maintenant écrivain, Zacharie Richard, est de passage à Vancouver cette semaine. C'est à l'occasion du festival Les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, French Film Festival. Il vient présenter son film documentaire, toujours Batailleur, et son premier roman, Les Rafales du Carême. Alors, son roman se situe, je vous dirais, à mi-chemin entre la fiction et la fresque historique. Le récit entremêle l'histoire de la famille de Zacharie Richard à celle de la Louisiane. On est dans les décombres de la guerre de sécession aux États-Unis et on suit le passage à l'âge adulte d'André Boudreau, 17 ans. Et lui, il suit son grand-père, Drozin, un vétéran sudiste. Il va beaucoup apprendre à ses côtés, à le côtoyer. Et moi, j'ai eu le plaisir de côtoyer l'auteur louisianais plutôt cette semaine lors d'une soirée causerie devant public. Je lui ai d'abord demandé de nous raconter l'histoire de son livre et nous parler de son inspiration. L'intrigue est basée sur un fait divers réel qui a eu lieu. Alors, bon, je suis historien de prédilection, mais sans la rigueur. Donc, je joue avec les dates pour les fins de l'intrigue. Mais il s'est passé un événement qui a marqué la communauté dont on en parle en Louisiane, dans mon village, 100 ans plus tard. C'était un crime assez brutal. Deux jeunes immigrés français ont été engagés sur la ferme de mon arrière-arrière-grand-père et ils ont dérobé un marchand du village et ils l'ont assassiné brutalement. Pour combler l'intrigue, ils sont partis avec les 3000 piastres qu'il avait dans son coffre-fort parce qu'il était en quelque sorte le banquier, parce qu'il avait un coffre-fort. Il n'y avait pas de banque, donc le monde lui confiait son argent. Et ce qu'on appelait les petits français sont partis avec 3000 piastres. Le fait divers réel s'est passé en 1896. Pour des fins de l'intrigue, surtout pour concorder avec à la fois la Commune de Paris et la guerre de sécession, ça se passe en 1882. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un roman. C'est de la fiction, mais c'est basé sur une histoire que j'ai entendue toute ma vie. Ma vieille tante Marie, elle avait connu cette histoire. Elle avait 6 ans et elle connaissait les petits français. Enfin, elle avait 6 ans quand même, elle avait un souvenir. Donc, j'ai entendu parler de cette histoire toute ma vie. Et ça finit par creuser un trou dans mon imaginaire par lequel j'ai passé pour créer une œuvre de fiction. C'est raconté du point de vue d'un jeune 17 ans. Enfin, c'est je fais hommage à un de mes grands influences, William Faulkner, et donc c'est une œuvre chorale, donc il y a plusieurs voix. Le narrateur principal, c'est un jeune homme de 17 ans qui découvre la vie et qui devient très célèbre parce qu'il est un jockey gagnant. La clé de la porte, pour moi, c'était bon, cette histoire des petits français, mais c'est aussi les chevaux. Parce que le narrateur a une espèce de relation avec la chute, qui est devenue une espèce de symbole. Parce que quand on chute, on perd contrôle. Mais le narrateur arrive à apprivoiser la chute parce qu'il tombe tout le temps. Apprendre à chuter et ne pas se faire du mal. Donc, ce qui vient un symbole pour tous les intempéries de la vie qui nous garochent à travers le visage. Mais avec un certain savoir, on arrive à apprivoiser, à maîtriser, donc à ne pas se faire du mal ou pas tant de mal que ça. Le grand terrain de course à Nouvelle-Orléans a ouvert les portes en 1873, the Fairgrounds. Et puis bon, ça c'était quand même la Mecque, c'était la Ligue nationale de hockey, mais bon, entre-temps, il y avait dès qu'il y avait un lopin de terre plat, on avait une course à cheval. Et tous les week-ends, tous les fins de semaine, on se rassemblait. C'est devenu une espèce d'aimant de culture parce que les propriétaires des terrains de course ont souvent construit des maisons dans lesquelles on tenait bal. Donc, c'était vraiment une espèce d'aimant culturel pour toute cette culture qui était francophone, évidemment, mais très, très riche. Et donc, j'ai été élevé un peu dans ça. Ma famille, on est les Cajuns parce qu'on imagine qu'on habite dans des bayous avec des pieds palmés. Mais en fait, on est des cowboys. On est les premiers cowboys en Amérique du Nord, enfin aux États-Unis. Après la déportation des Acadiens, on arrive après 10 années de misère en Louisiane. Et puis la première chose qu'on fait, c'est l'élevage. Donc, dans l'espace de quelques années, le sud-ouest de la Louisiane, on faisait des conduits, ce qu'on appelle des conduits, des cattle drive. Donc, on a porté 150 têtes par mois à la Nouvelle-Orléans. Donc, on est cowboy. Et puis, ça m'a toujours fasciné, ce monde et ses odeurs. L'odeur du cuir, l'odeur du cheval, l'odeur de l'écume. Alors, c'était un peu le début pour moi de raconter cette histoire. Poursuivons notre rencontre avec Zachary Richard qui nous chante Mardi Gras Mambo. Zachary Richard, auteur, compositeur, interprète, écrivain louisianais que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre d'une causerie cette semaine à Vancouver. Et je lui faisais remarquer qu'il accorde dans son livre une place importante aux femmes ainsi qu'au rapport entre anciens esclaves et anciens esclavagistes. Son livre s'intitule Les Rafales du Carême. Le voici à ce propos. Il se trouve qu'il y a une dame un peu plus aisée, influente, qui fait le tour de la campagne en apportant des éléments d'hygiène. Donc, il faut bouillir le lait, il faut faire ci, il faut faire ça pour la santé. Et elle rencontre Philomène, qui est illettrée. Virginie Bouton, et Virginie lui donne un pamphlet. Elle voit que la dame ne peut pas lire. Et c'est très touchant et ça me bouleverse toujours parce que j'ai déjà vu dans mon village des gens illettrés. Pour eux, le fait de pouvoir écrire, c'était proche de la magie. L'idée de pouvoir écrire des caractères sur un morceau de papier puis envoyer ce morceau à travers le monde pour que quelqu'un le reçoit et qu'il l'ouvre et qu'il l'entend ou qu'il comprend ce qu'on voulait dire, pour un illettré, c'est de la magie. Donc, il y avait ces femmes illettrées qui, grâce à Virginie, elle était éduquée, elles s'organisent, comme toujours, pour faire des corvées, tisser la laine. Ou ça devient un prétexte pour les rencontrer et puis apprendre à lire. Donc, les femmes prennent le pouvoir un peu en dessous de la couverture qu'elles sont en train de coudre. Et puis, il y a justement une scène où Virginie Mouton remplissait cette phrase. Je suis. Donc, la première chose que les femmes ont appris à écrire, c'était « Je suis, fill in the blank ». Donc, je suis forte, je suis libre, je suis puissante, je suis quelqu'un. Et puis, ils ont même cousu une courte pointe pour le patriarche, dans lequel Philomène a glissé un mot, caché un mot, pour qu'il se couche tous les soirs avec une espèce de sournoisité, sans le savoir qu'elle allait passer et puis l'influencer. Donc, le pouvoir des femmes, et c'est ça que j'ai découvert à la fin, les gens qui ne devaient pas avoir de pouvoir, les femmes, les jeunes et les noirs, sont en fait ceux et celles qui y avaient le plus de pouvoir. C'était une découverte pour moi, mais c'est une belle découverte. Et puis bon, le prêtre s'est mêlé parce qu'il perdait le pouvoir dans son village. Il a refusé communion à Philomène parce que justement, elle organisait les femmes et puis il n'aimait pas ça parce que bon, c'était, dans cette société, c'était inadmissible que les femmes prennent le pouvoir de cette façon-là. Et il y avait aussi la relation entre noir et blanc. Selon l'historien, notre historien Carl Brasso, 60% des Acadiens étaient esclavagistes. Alors, on dit, wow, c'est un peuple déporté qui a souffert, une espèce de nettoyage ethnique. Comment ils auraient pu? Mais bon, l'histoire est qu'en arrivant en Louisiane, avant la fin de la première génération, c'est-à-dire 5 ou 10 ans après l'arrivée des Acadiens, Thomas Arsenault a acquis son premier esclave. Et ça a creusé un fossé dans la communauté acadienne entre les esclavagistes qui participaient à ce système basé sur la violence pour des richesses. Parce que, bon, la Nouvelle-Orléans était une des villes, sinon la ville la plus riche à l'époque, et ça, c'était attaché au coton ou à la canne à sucre, et donc sur l'esclavagisme. C'est quelque chose qui existait, mais à côté de ça, il y avait les petits habitants qui étaient la très majeure partie des Acadiens. Ce n'est pas pour excuser les Acadiens, parce que c'est juste qu'un éleveur, un esclave pour un éleveur, c'est de l'embarras. Un homme avec ses fils peuvent garder un troupeau de bêtes à cornes sans avoir besoin à entretenir et à maintenir d'autres personnes. Mais dans l'agriculture commercial de coton et de canne à sucre, on avait besoin d'un main d'œuvre. Et puis voilà. Donc, moi, j'ai consulté les recensements américains de 1850 et mon arrière-grand-père était propriétaire de 36 personnes. J'ai vu ça sur microfilm à l'université. Alors, c'était comme, the fuck, comment ils ont pu faire ça? C'est comme ils dormaient la nuit avec des gens dans sa cour qui pensaient à l'égorger, probablement. Hein? Parce que bon, il n'y a personne qui veut être esclave, tu sais, ça n'existe pas. Et c'est un système basé sur la brutalité. Et ce qui était le détail qui m'a tué, c'est dans ce recensement où il y avait le maître, sa femme, ses enfants, ils avaient tous des noms. Les esclaves, non. Il y avait l'âge et le sexe. Ça me faisait des frissons de voir ça, comment on a pu passer par là, mais c'est sûr que ça existait. Et donc, je voulais explorer, parce que la relation la plus enrichissante et la plus difficile et la plus complexe en Louisiane, c'est entre noir et blanc. Et puis, il y a tout un héritage de race mixte qui est devenu un sujet totalement tabou. Parce qu'on prétend, bon, il y a des noirs et des blancs. Mais bon, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de métissage. Mais ces gens-là, aujourd'hui, s'identifient comme étant créoles, noirs. Et donc, leur identité est basée sur la question raciale. Donc, ils se considèrent comme noirs, plutôt que mixte. Mixte, ça n'existe pas. Métissage, ça n'existe pas dans les recensements, ça n'existe même pas dans la tête des gens. Mais moi, je voulais explorer ça d'une façon plus nuancée que juste, OK, il y a des noirs et des blancs, puis ils se détestent. Je voulais donner une certaine humanité. Dans son roman « Les rafales du carême », je trouvais que Zachary Richard avait joué avec la chronologie des événements. Je vous en dis pas plus, je le laisse nous expliquer, puis nous lire un extrait. Ça se passe, le roman n'est pas chronologique, qui peut être un peu déroutant, mais on a surveillé, parce que les dates sont mentionnées, donc il y a une très grande rigueur par rapport à la chronologie, donc ce n'est pas exactement chronologique dans le récit, mais c'est une espèce de jigsaw puzzle qui finit par être compréhensible. Donc, ça commence avec le jour que le crime est découvert. C'est en février, bon, c'est les rafales du carême. Donc, le carnaval, le Mardi Gras, qui, bon, c'est le jour avant le mercredi des cendres, le début de carême, c'est très important. Il y a le courrier de Mardi Gras traditionnel, pas avec les chars allégoriques, mais monté à cheval, comme on le fait toujours dans le sud-ouest de la Louisiane. Et c'est en février. Mais en février, en Louisiane, le temps est très changeant. Si le vent est dominant du nord-ouest, il va faire froid. Il peut faire zéro, il peut faire moins 10. Mais si le vent est du sud, il peut faire 20 degrés, 25 degrés en février. Alors, c'est un temps très variable. Donc, le narrateur avec ses frères sont en train de nettoyer les rangs de coton parce que, bon, c'est un mois de février humide et chaud. Il descend au village et il voit son grand-père qu'on appelle le colonel. Le colonel grimpe les deux marches et avance vers la porte de droite. Les gens lui faisant de la place comme la mer rouge devant les Juifs. Je n'avais pas remarqué ses éperons, mais là, je les entends clinquer. Je le suis accroché à ses côtés. Devant la porte, mon oncle Siméon bloque le passage. Ses yeux rouges, les manches de sa chemise roulées. Il fait signe à Drosin qui se glisse dans la porte, les deux hommes ventrus se frottant les panses. Je le suis, mais soudainement, Siméon me frappe à la poitrine de sa main ouverte. « Non !» il dit. Il tourne dos et ferme la porte derrière lui. Je me glisse vers la fenêtre, mais je ne vois rien sauf le dos de ceux à l'intérieur, tassés comme des bœufs au parc de stockage. Mais derrière le bar, il y a un grand miroir qui fait quasiment la largeur de la pièce, surplombant les bouteilles sur le comptoir pour que les buveurs puissent regarder leur misère, comme disait ma mère. Dans le miroir, je vois mon oncle Martin couché sur la table de billard, ses bras ouverts en croix, ses cuisses posées sur la table, ses genoux pliés sur le bord et ses mollets pendants, suspendus dans les airs. On est en train d'enlever sa chemise. Elle est tachée de sang. Ses yeux ne clignent pas, mais regardent fixement le plafond, le regard vide. Il est mort. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Prendre la charité, c'est quelque chose de pas fait. Chaque jour, comment je vis, l'on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère la vie. Je voulais rendre hommage, en quelque sorte, à cette francophonie avant l'arrivée des Américains. Parce que, bon, à l'époque, quand on parle, tout le monde est francophone. Il y a des Américains, mais bon, ils sont très minoritaires et puis ils sont peut-être influents. Mais les Américains sont arrivés avec le pétrole. Ça, c'était pas avant les années 30 et 40, 1940. Donc, la loi sur l'éducation publique en Louisiane, c'était 1916. Donc, mes parents sont allés à l'école n'ayant jamais entendu la langue anglaise, mais ils étaient enseignés en anglais. Et ça m'a toujours rendu un peu perplexe d'imaginer comment mes grands-parents ont vécu ça. Parce qu'ils voyaient avec certainement beaucoup de fierté le fait que leurs enfants allaient obtenir une éducation. Mais le fait que ça c'était dans une langue qu'ils ne comprenaient pas leur causait certainement des problèmes. Mais je ne peux pas imaginer comment ils ont vécu ça. Moi, je voulais rendre hommage à cette sonorité parce que ce n'est pas vrai qu'il y a une langue cajun. C'est pas vrai qu'il y a un français cassé en Louisiane. Nous avons d'abord une passé littéraire assez glorieuse, surtout au 19e siècle, avec multiples romanciers dont je vous encourage de consulter les éditions Tintamarre, parce qu'ils cataloguent non simplement des anciens, mais des poètes contemporains de la Louisiane francophone. Mais nous avons un style de syntaxe, nous avons un vocabulaire, nous avons un accent, donc une sonorité. Et je voulais rendre hommage autant que possible en restant compréhensible. Parce qu'il y avait une négociation entre, allons dire, le bon français et l'exotisme et la compréhension. Donc, il y avait une navigation, une négociation à faire avec l'éditrice qui a causé certains problèmes parce qu'il y avait trois correcteur, correctrice, parce que bon, je ne savais même pas ce qu'on fait ça. Là, je pensais qu'une fois que c'était écrit. Mais non, il y a quelqu'un qui vient, qui n'est pas l'éditrice, avec qui j'avais négocié pendant des mois de temps, à chaque page, en disant non, oui, non, oui. Il y a des fois, je lâchais prise, mais il y a des fois, je tenais mon bout pour des raisons qui me sont importantes. Mais il y avait une correctrice qui passe par-dessus. Ensuite, il y a une autre correctrice qui passe par-dessus. Et le deuxième, c'était très malvenu parce que là, je dis, ça commence à faire, là. Ça fait la troisième fois que j'écris le livre. Et il y avait un autre après parce que le deuxième, on l'a banni. Parce qu'elle s'est permis des libertés. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris qu'il y avait un respect fondamental au parler. Moi, c'est important qu'un francophone qui est à Dakar ou un francophone qui est à Vancouver ou un francophone qui est à Hanoï puisse lire ça sans difficulté, sans avoir à te demander. Pour le vocabulaire, c'est facile, il y a des notes en bas de page. Pour ça, je voulais que ça soit facilement compréhensible. Je ne voulais pas que ça soit... Mais pour ce qui était de la narration des petits français, là, j'insistais sur un français un peu plus soutenu. Donc, j'ai écrit en passé simple, qui est pour moi proche de l'hiéroglyphe égyptien. Et bon, j'étais OK. Ouais, comme je me suis efforcé, puis j'étais très aidé, mais je voulais avoir deux voix qui étaient quand même très distinctes l'un de l'autre. Et voilà pour le parler, mais c'était quand même... Vous allez me dire si j'ai réussi, mais... La vision que j'avais, c'est de décrire dans un français qui était à la fois compréhensible, mais qui avait quand même une saveur qui est très, très typique et d'une sonorité uniquement louisianaise. Pendant le carême, ce dernier mois d'avril, je lui ai vu dernière fois. Elle was au sol, posée sur sa branche au bord de la bijou. Il restait tranquille, son cœur a presque cassé, guettant du matin au soir. Jusqu'au dimanche qu'il est parti aussi du bord de la... Au bord du lac Bijou, vous êtes toujours à l'écoute de Culture et Confiture et je vous présente les meilleurs moments de ma rencontre avec le chanteur et écrivain Zachary Richard de passage à Vancouver cette semaine à l'occasion du festival Les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, le French Film Festival. Il est venu rencontrer la communauté et présenter son premier roman, Les Rafales du Carême. Et on parlait des expressions cajunes que l'on retrouve dans le livre. Je pense, par exemple, à cette expression-ci, « Comment les haricots ?» Et lorsque je lui ai demandé de nous parler de cette expression, il m'a tout de suite reprise. Non, comment les haricots? Oui, parce que nous, on fait toujours le liaison. Donc, en cajun, la jante masculine, c'est un homme. Et puis, le gros canard, c'est un zoie. Donc, il n'y a pas de H aspiré en cadien, donc c'est les haricots. Et les haricots, ça veut dire, quand tu rencontres un ami dans la rue, tu dis, ah, comment les haricots? Et alors, il va dire, oh, les haricots ne sont pas salés ou les haricots sont salés. Alors, c'est la différence entre je vais bien ou je vais mal. Parce que si on n'a pas, si les haricots ne sont pas salés, nous n'avons pas assez d'argent ou de moyens pour s'offrir de la viande salée pour mettre dans les haricots. Donc, on est plus pauvre que pas. Donc, si on dit les haricots ne sont pas salés, c'est le blues, en fait. C'est le blues du Cajun créole en Louisiane. Les haricots ne sont pas salés. Juste pour la petite parenthèse qui donne la musique Zarico, on l'écrit en anglais Z-Y-D-E-C-O, parce que ça vient d'une très grande tradition ouest-africaine qui est toujours présente dans la musique des créoles noirs. Et donc, c'était Clifton Chenier, qui est le roi du genre, qui a enregistré à Houston dans les années 40. Et puis, l'ingénieur lui a demandé, « What kind of music is that you're playing? » Puis, il était en train de chanter la chanson. « Les haricots sont pas salés, donnez-moi les haricots sont pas salés. Hé, hé, maman, donnez-moi les haricots sont pas salés. » Fait que Cliff, il dit, « Les haricots sont pas salés. » OK, so it's Zordico music then. Ça fait que longtemps, c'était écrit Z-O-R-D-I-C-O, puis ça, c'est... Lâcher prise, Z-Y-D-E-C-O. Alors, ce n'est pas Zydeco, c'est Zarico. Et puis, c'est comme Cajun, C-A-J-U-N. Chaque fois qu'on entend Cajun, on a un frisson de désagrément. Parce que c'est l'anglicisme. Parce que nous, on est des Cajuns qui sont des Acadiens. C'est la même chose. Parce que si on retourne à Henri IV, dans le même document, c'est écrit l'Acadie avec un C majuscule et l'Acadie avec un A majuscule. Donc, il y a l'Acadie ou l'Acadie, interchangeable. Ça fait que nous, après la déportation, arrivés en Louisiane, we didn't get the memo. Ça fait qu'on a resté avec, on s'appelle, nous sommes des Cajuns. Ça s'écrit C-A-D-I-E-N et ça se prononce C-A-D-J-I-N, Cajun. Mais c'est mieux Cajun que Cajun. Parce que quand on dit Cajun, on est doublement insulté parce que c'est les Anglais, les Anglo-Américains qui nous ont traités de Cajun, que les Français ont repris comme Cajun. Donc, juste pour la petite histoire, nous sommes des Cadiens et on le prononce Cajun. La situation par rapport à la lutte pour la sauvegarde du français est très semblable. Ça se passe autour des conseils scolaires, ça se passe dans les écoles, ça se passe grâce aux médias. Ce sont des luttes qui sont de la même trempe partout en Amérique du Nord, sauf le Québec. De vivre en français en milieu minoritaire est un engagement. Mais moi, je me réjouis de ça. D'avoir un défi dans la vie, ce n'est pas une malédiction. Quelque part, c'est un cadeau que la vie nous fait parce que ça nous oblige à se serrer les coudes. Ça nous permet, en tant que francophones, d'avoir cette espèce de solidarité à travers toutes les communautés parce qu'on fait face tous à l'assimilation. On fait face toujours au même défi. Et ça se passe plus ou moins de la même façon. Que ce soit en Colombie-Britannique ou en Louisiane, les enjeux sont pareils, les outils que nous avons sont pareils, les victoires sont les mêmes et les défaites sont les mêmes. Donc, c'est quelque part, et puis grâce au Centre de la francophonie des Amériques, et d'autres organismes de ce trempe, on est en train de créer une nouvelle identité. En parlant de la Louisiane plus spécifiquement, La francophonie en Louisiane a été attachée jusqu'à présent à des questions ethniques. Donc, il y avait soit des créoles noirs qui parlent un français qui ressemble un peu au créole haïtien, ou on parle cadien, et donc il y avait un attachement ethnique à la langue. On est en train de défaire ça parce que la nouvelle génération, c'est multiethnique. Ils sont hispaniques, ils sont asiatiques, ils sont dans les écoles publiques en Louisiane parce que leurs parents ont choisi de leur placer dans l'immersion française. Donc, il y a une nouvelle identité. Et moi, je m'en réjouis parce qu'on est en train de dépasser ces questions d'héritage ethnique et puis de forger une nouvelle identité de francophone louisianais, tout simplement, qui est basée sur la langue et non pas sur son héritage ethnique. Et donc, la langue devient beaucoup plus rassembleur que ça l'était. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais comme dit mon voisin, très souvent, au moins, on peut les embêter. C'est de l'Acadie pour le grand crème des cajens. Ils ont trouvé un beau pays, mais c'est bon Dieu pour la Louisiane. La Louisiane, ma Louisiane, c'est bel en printemps, c'est chaud en été. C'est près longtemps, c'est trop en hiver, mais moi je suis bien des Ah, ça fait plaisir, ça. J'espère que ça vous a mis de bonne humeur ce matin. L'auteur, compositeur, interprète, poète louisianais et maintenant romancier Zachary Richard, que j'ai eu le plaisir d'interviewer lors de son passage à Vancouver cette semaine. C'est à l'occasion du festival Les Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, le French Film Festival. Il est venu présenter son premier roman, Les Rafales du Carême. Il sera demain à la grande tente du Festival du Bois du côté de Coquitlam. Et d'ailleurs, le festival va nous plonger cette année dans l'univers des Acadiens en présentant plusieurs artistes de l'Est du pays. Je recevrai entre autres la famille Leblanc, célèbre famille de musiciens acadiens, en toute fin d'émission. Lola, tu peux pas juste manger une toast avec du beurre, OK? Mets donc de la culture et confiture là-dessus. Vous avez compris, on ne peut pas juste faire ça et on va vous en mettre de la confiture. On va parler maintenant d'un art qui s'est transmis de génération en génération. Quand on pense à la broderie. On peut croire que c'est une activité qui est pratiquée là, surtout par des gens d'un certain âge. Bon, laissons l'âgisme de côté parce que cette technique gagne en popularité auprès des adolescents. La preuve, la bibliothèque d'Erdry, au nord de Calgary, organise des ateliers d'artisanat qui sont surtout fréquentés par des jeunes. Ça se passe les lundis et la journaliste Joëlle Bouchard a assisté à l'atelier de broderie en point de croix. Dans une petite salle au fond de la bibliothèque d'Erdry, juste au nord de Calgary, six adolescentes sont concentrées sur leur ouvrage. Chacune d'entre elles passe et repasse sans relâche au travers d'un tissu avec une aiguille et du fil. Elles pratiquent la broderie en point de croix. Naomi Richmond, une adolescente de 13 ans, connaissait déjà la broderie. Toutefois, faire du point de croix est une première. C'est plus facile de passer l'aiguille dans le tissu à cause des trous, dit-elle. Pour elle, ce type d'artisanat est relaxant et garde l'esprit occupé. Même si elle est timide et nerveuse en public, elle apprécie les événements organisés par la bibliothèque qui la font sortir de sa coquille. Jameson Gardiner est responsable de la programmation pour la littératie numérique et les adolescents à la bibliothèque d'Erdry. Aider des jeunes comme Naomi Richmond à s'intégrer à leur communauté est exactement ce qu'ils cherchent à faire. Nous voulons créer une communauté, un endroit où les gens peuvent se rassembler et s'apprécier. Beaucoup de gens aiment ce que nous faisons et je pense que nous accomplissons quelque chose de bien. C'est vraiment super. And I feel like we're doing a good thing. I really enjoy it. Il affirme que de nos jours, la créativité est souvent liée aux technologies. Et même si la bibliothèque offre des activités qui s'inscrivent dans cette ligne, Jameson Gardiner estime qu'une activité comme le point de croix offre une expérience différente. But here, they're able to have a more analog experience. Ici, les jeunes peuvent vivre une expérience analogique, où ils sont en contact avec leurs amis, ils font quelque chose de leurs mains et ils terminent avec un produit physique, tangible. J'aime bien être ici, aux bibliothèques. Felicia McDonough, 16 ans, est souvent bénévole à la bibliothèque d'Erdry. Quand je fais du bénévole, ça ne sent pas comme j'aide des personnes. Ça semble comme je fais juste pour s'amuser. Alors ça, c'est une des raisons que je continue de revenir et de revenir. C'est parce que ce n'est pas du travail, c'est juste pour s'amuser. Alors ça me fait sentir bon parce que c'est amusant et je connais tout le monde ici. Et elle-même remarque la popularité des activités proposées par la bibliothèque. Nous avons trop de programmes, pas trop, mais beaucoup de programmes que tout le monde adore. Comme chaque fois que je choisis de faire du bénévole pour eux, il y a tout le monde qui vient pour en faire ça et c'est tellement amusant. C'est trop de fun. Lundi, c'est six adolescentes, dont Haley McDonough, qui ont participé à l'atelier de broderie en point de croix. Chacune d'entre elles souhaite revenir au prochain événement. Le prochain atelier est prévu le lundi 11 mars, ainsi que le lundi suivant. Ici Joëlle Bouchard, Radio-Canada, Erdry. Je broderai des cœurs de toutes les couleurs. difficile de ne pas chanter, de faire des ba-da-ba-da-ba après ça. France Castel, du fil, des aiguilles et du coton. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de nous parler des événements que vous organisez, des soirées qui se passent dans votre coin ou bien des spectacles qui s'annoncent ou de votre nouvelle chanson. C'est tout simple, vous pouvez me contacter sur Messenger, Mireille Langlois. Alors ici, Mireille Langlois, et vous m'envoyez votre message vocal comme l'a fait Jeffrey Klassen. Bonjour, ici Jeffrey Klassen, le coordonnateur de la revue À ciel ouvert. Et j'ai le plaisir de vous inviter à un cabaret littéraire. Alors, cette soirée que nous organisons est une soirée de mots et d'images qui célèbre la sortie récente de notre 11e numéro. Elle se tiendra le 12 mars sur Zoom à 19h, heure des Rocheuses. Le programme de la soirée comprendra une série de présentations des auteurs du numéro et de leurs textes, y compris les lauréats du prix du Séclonc. Il y aura également une présentation vidéo d'Éric Plamondon, une présentation de l'artiste visuel du numéro, Michel Saint-Hilaire, et pour conclure, une prestation musicale. Alors, pour vous inscrire à la rencontre, je vous invite à consulter notre site web aciel-ouvert.ca où vous trouverez de plus amples informations et un lien pour l'inscription. Merci beaucoup et bonne journée. Ah, merci, Jeffrey Klassen. Et d'ailleurs, je voulais vous rappeler que la revue À ciel ouvert lance aussi un appel à texte dont la date finale est le 15 mars. Alors, vous avez encore quelques jours pour finaliser vos écrits. Tous les renseignements sur le site web, dis-je bien, aciel-ouvert.ca. C'est le groupe Super Plage qui va se présenter à la Francofièvre la semaine prochaine, le 13 mars. Par contre, il y a une tuile qui est tombée sur la Francofièvre. Il y a aussi Missy D qui doit être en spectacle Flo Franco. Je vous explique. En fait, il y avait plus de 1500 jeunes qui étaient attendus, qui se sont inscrits à la Francofièvre. Et ce qui se passe, c'est que là, l'association Jeunesse Francassoise est obligée d'annuler le rassemblement qui va avoir lieu mercredi prochain parce que il y a des moyens de pression en ce moment qui ont été mis en place par la Fédération des enseignants de la Saskatchewan qui qui sont en conflit avec le gouvernement provincial depuis plusieurs mois. Et donc, le syndicat des enseignants a annoncé hier matin que l'ensemble des membres ne va pas participer aux activités. Et donc, les enseignants ne pourraient pas accompagner leurs élèves à l'événement. Je vous rassure quand même, l'événement va être capté et donc ça sera possible pour les élèves de le voir en ligne un petit peu plus tard. Il y aura un mot de passe qui sera remis. Mais malheureusement, ça vient un peu mettre une ombre sur la francofièvre. On reste avec vous jusqu'à 11h, midi au Yukon. Vous écoutez Culture et Confiture. Un groupe de femmes défile les normes en laissant briller leurs cheveux gris. Un documentaire poignant sur la résilience face à l'âgisme et le sexisme. La Révolution grise, une mèche à la fois. Ce soir, 22h30, Maritime, 23h30, ici télé. C'est important d'écouter ce que les gens autour de nous ont à nous dire. On bâtit l'émission avec nos auditeurs, leurs questions et les sujets qui les interpellent. On vous accompagne toujours dans la bonne humeur. Panorama avec Grégory Bernard. En semaine dès 15h30, 16h30 au Yukon. Sur ICI Première et sur Radio-Canada Audio. Vous écoutez ICI Radio-Canada Première. Au 99.7 à Victoria et au 94.9 à Port-Alberni. Du cœur aux idées. Bonjour, ici Nantous Mahoro, voici les informations. La saisie de médicaments sous ordonnance à Prince George ne provient pas du programme provincial d'approvisionnement sécuritaire. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre provincial, David Eby. Il a lancé ce message vendredi à son homologue de l'Alberta, Daniel Smith, qui a demandé une rencontre d'urgence. Amelia McCower a préparé ce qui suit. My door is always open to meet with Premier Smith. We obviously don't agree on everything. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, affirme que sa porte est toujours ouverte pour son homologue de l'Alberta, Daniel Smith. La première ministre albertaine craint que des médicaments sous ordonnance se retrouvent dans sa province et soient vendus sur le marché noir. Jeudi, après de multiples enquêtes, la Gendarmerie royale du Canada a saisi à Prince George plus de 10 000 comprimés, dont des médicaments sous ordonnance. Prescription medication, some of which is designated safe supply prescription medication. La GRC précise que la saisie comprend de la morphine et de l'hydromorphone qui sont des médicaments sous ordonnance d'approvisionnement sécuritaire, mais elle n'est pas en mesure de confirmer si les médicaments sous ordonnance saisis proviennent du programme britanno-colombien. David Eby affirme de son côté que les médicaments saisis ne proviennent pas de son programme d'approvisionnement sécuritaire. It's less than 2% of drugs that are prescribed in this province, and so that feels like a sensationalization of. Pour Brittany Graham, la directrice générale de Vendu, la politisation de ce programme nuit à la survie des toxicomanes qu'il utilise. Elle ne croit pas que les médicaments sous ordonnance saisis par la GRC proviennent du programme d'approvisionnement parce qu'il ne sert que 2 % des toxicomanes en Colombie-Britannique. Elle rappelle que l'hydromorphone est aussi prescrite pour les personnes qui subissent une chirurgie et non que pour les toxicomanes. Ici Amelia McCower, Radio-Canada, Victoria. Et un plus grand nombre de jeunes sans-abri qui luttent contre des problèmes de santé mentale et de toxicomanie auront accès à de l'aide à Vancouver. La ministre de la Santé mentale et des toxicomanies, Jennifer Whiteside, a annoncé l'ouverture de 28 nouvelles places dans un programme de Covenant House. Il est destiné aux jeunes sans-abri âgés de 16 à 24 ans. Selon Mme Whiteside, le programme Sanctuary offrira aux jeunes un endroit sûr où ils pourront s'abriter, se stabiliser et obtenir les traitements dont ils ont besoin. Le programme devrait être disponible en juin. Sport. Prince George accueille depuis le 5 mars les athlètes et les spectateurs venus du monde entier pour les championnats du monde de para-biathlon. Ce n'est pas le premier événement d'envergure mondiale pour la ville qui se décrit comme imbattable en gestion d'événements. Yann Lacoste a pu parler avec une représentante de la ville pour mieux comprendre son approche. We just love to host overall. Debbie Haywood, gestionnaire des services événementiels de Prince George, explique que la ville de 90 000 habitants adore tout simplement accueillir des événements. La municipalité fait un effort pour moderniser la ville et ses installations en prenant en compte la tenue d'événements. L'impact économique est indéniable et d'après Mme Haywood, Prince George a le plus haut taux de bénévolat dans la province, signe de l'engouement de sa communauté heureuse de partager son coin du pays avec un public national ou international. Le travail d'équipe et une simplification de la bureaucratie aident à rendre l'organisation plus facile et attrayante pour les organisateurs. The city meets with tourism, RCMP, healthcare, all of those key players. Ces efforts sont remarqués et appréciés par les organisations comme l'indique Stéphane Barrette, chef de la direction de Nordic Canada. Ils ont développé une expertise, puis ils font un très bon travail. Alors, les fédérations internationales sont toujours intéressées à revenir ici parce que le comité organisateur est vraiment de très haute qualité. Ici Anne Lacoste, Radio-Canada, Vancouver. Ailleurs dans le monde. À l'international, des tirs ont retenti hier soir près du palais présidentiel et d'un poste de police à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. L'île est le théâtre d'une violente lutte entre des bandes criminelles et les forces de l'ordre depuis plus d'une semaine. Face à cette situation dramatique, la communauté des Caraïbes convoque une réunion d'urgence lundi. Les précisions d'Audrey Neveu. Les gangs criminalisés poursuivent leurs attaques sur les lieux de pouvoir à Port-au-Prince. Ils se sont alliés dans le but avoué de forcer le premier ministre Ariel Henry à quitter le pouvoir qu'il détient depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, rappelle le journaliste Étienne Côté-Paloc, basé à Port-au-Prince. Le politique est souvent très lié aux groupes criminels armés dans les rues. Souvent, c'est pour faire pression qu'on utilise ces groupes-là. Et donc, tout le monde, tous les analystes s'entendent pour dire qu'il faut aussi régler la politique. Le pays n'a toujours pas eu d'élection depuis 2016. Il n'y a pas de gouvernement élu depuis près de 3 ans maintenant. Ariel Henry devait quitter ses fonctions en février. Il se serait engagé toutefois à tenir des élections en 2025. Il est présentement bloqué dans le territoire américain de Porto Rico après un voyage à l'étranger pour réclamer de l'aide. Devant cette flambée de violence, la communauté des Caraïbes convoque une réunion d'urgence en Jamaïque lundi avec les représentants du Canada, des États-Unis, de la France et de l'ONU. Le président de la CARICOM, Mohamed Irfan Ali. Stabilization of security and the provision of urgent humanitarian aid. Ils discuteront des mesures pour sécuriser la capitale et fournir de l'aide humanitaire urgente. Avec la fermeture du port et de l'aéroport de la capitale, il y a de sérieuses inquiétudes d'une famine dans le pays le plus pauvre des Amériques. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Montréal. Voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information à l'antenne d'ici Radio-Canada Première. On se retrouve dans une heure pour un prochain bulletin. Vous écoutez Culture et Confiture avec Mireille Langlois. On a de la belle visite aujourd'hui à vous présenter. Vous allez peut-être reconnaître sa voix si vous avez été à l'écoute de l'émission Le Fil musical. Bonjour Virginie Beauchamp. Bonjour Mireille. Très contente de vous retrouver. Pareillement, pareillement. On a déjà l'occasion de vous recevoir, je crois que ça doit faire 2 ans à peu près à l'émission. Bon, après, avec ou avant la COVID, on oublie, là, on perd le fil du temps. Mais le fil musical, lui, se poursuit. Et donc, émission diffusée dans le réseau des radios communautaires de l'Ouest. Et là, vous avez eu envie de venir nous voir. Vous allez venir ponctuellement à l'émission, travailler de temps à autre avec nous. Et ben, ça s'est bien passé, ça n'a pas trop fait mal la très première belle semaine. Très belle semaine, belle équipe. J'étais très ravie d'être avec vous. Vraiment, j'ai eu du bon temps. Et vous êtes aussi une gastronome, ou du moins vous avez le bon goût des bonnes choses. On vous entend quelquefois à Panorama également en chronique gastronomique pour nous refiler quelques bonnes adresses. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, on saura utiliser ça. J'espère bien, c'est pour ça que je les partage, ces adresses. Oui. Et donc vous, vous êtes intéressée cette semaine à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Vous avez envie de nous présenter des femmes fortes qui se distinguent dans nos régions. Exactement. Un super balado, je vous en reparle dans quelques instants, qui s'intitule « Naturel ». On écoute ça dans quelques minutes, juste après Paul Cournoyer, la pièce « Je vois ». Je cours constamment après la raison. Je cherche à comprendre toutes mes illusions. J'observe le tableau accroché sur mon mur. Je me demande si mes intentions sont pures. Si je travaille tout le temps, comment est-ce que je peux savoir que je poursuis même des choses que je veux vraiment avoir? Je vois, le ciel ouvert, le soleil. Je crois, que j'ai enfin du courage. J'ai un rêve qui me vient assez souvent. Mais laisser si on s'en va nulle part? Faut-il avoir peur de prendre le bon départ? Je cours toujours la brume, les portes déjà fermées. Peut-être qu'un jour j'apprendrai à aimer. Déjà fermé, l'air frais me soulage. J'aime bien où je suis. Doucement, le calme chuchote que tout va bien aller. Le soleil franchit l'horizon et je me laisse emporter. Ça vous plaît cette chanson Je vois de Paul Cournoyer? Soyez patient, mais pas trop quand même, parce qu'il y a son nouvel album qui sort dans quelques jours. C'est le troisième extrait, le troisième avant-goût qu'il nous partage. Et demain, si vous êtes du côté d'Edmonton, il sera en spectacle au festival Edmonton Chante. Virginie, vous êtes toujours avec nous. Bonjour. Et je le disais, vous avez écouté pour nous un nouveau balado. En fait, je devrais plutôt dire la deuxième saison de cette série balado franc-ouest. Ça s'intitule Nature. Elle, et ça tombe bien au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes. C'est pour ça que je vous en parle. Mmh. En fait, c'est produit par l'Association des francophones des Kootenays Ouest, l'AFCO, et c'est animé par le franco-ontarien Patrick Lac. 12 épisodes où on met en lumière des femmes francophones qui sont passionnées de plein air dans la région des Kootenays Ouest en Colombie-Britannique. On est situé, pour ceux qui se repèrent peut-être un petit peu moins, au bas des Rocheuses, à l'extrême sud-est de la province de la Colombie-Britannique. Alors, on se promène à Revelstoke, à Nelson, et on découvre aussi des endroits peut-être un petit peu moins connus. Je pense à Creston, je pense à Castlegar. Donc, à travers les épisodes d'une durée, Mireille, d'environ 30-45 minutes, mm-hmm. on découvre qui sont ces femmes, leur passion pour leur sport et leur plein air. Ah, oui. C'est vraiment, honnêtement, un très beau voyage par procuration dans les Kootenays Ouest. Et j'ai beaucoup aimé le ton chaleureux, décontracté du balado. Alors, je vous propose d'écouter d'abord la présentation de la candidate du premier épisode, Mélanie Mercier. Géologue de formation, Mélanie Mercier a travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie minière avant de changer de carrière pour l'horticulture et fonder sa propre compagnie, Araucaria. Elle est maintenant une figure importante dans la lutte contre un projet minier à Rosslyn, en Colombie-Britannique. Passionnée de protection de l'environnement, elle nous emmène en planche à neige hors piste sur le site minier proposé de Record Ridge. On est à plus de 1000 mètres d'élévation, la vue est à couper le souffle et le froid aussi. Vous le disiez bien, Virginie, c'est un voyage par procuration et on l'entend là, dans le bruit du vent, des pas dans la neige. Il y a vraiment une attention qui a été mise sur la qualité sonore dans le balado. Absolument. Et vraiment, l'objectif du balado, c'est de faire vivre à l'auditeur l'aventure en plein air. Il y a un côté très imagé aussi qui m'a plu, une force, selon moi, du balado. Je trouve qu'on décrit bien les lieux, les températures. Honnêtement, j'avais froid. J'avais les mains gelées quand j'écoutais le balado. Et vous aviez peut-être envie de partir à l'aventure. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur ces femmes? Eh bien, dans le premier épisode, Mélanie Mercier, qui pratique la planche à neige hors piste, elle nous raconte comment elle s'y prend pour pratiquer son sport de façon sécuritaire, parce qu'on le sait, c'est un sport qui se déroule souvent sur des terrains potentiellement d'avalanche. On l'écoute. La première chose, c'est de m'assurer que j'ai assez de snacks. Je m'amène du thé, j'amène aussi du chocolat. Puis, je pense que ça commence vraiment au départ, c'est avant de partir, s'assurer qu'on a les systèmes comme des bas d'extra, des mitaines d'extra, une doudoune plus chaude que tu peux mettre par après, t'assurer que toutes les vis sont toutes bien vissées, tout est beau. Donc, à chaque fois que je pars, je m'assure que j'ai mon transceiver, mon probe, ma pelle, lunettes de soleil, crème solaire, mon casque. C'était Mélanie Mercier avec qui on fait connaissance dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode, Mireille, on rencontre Julianne Chapman, qui est motoneigiste freestyle à Nelson, ouais, quand même. Elle raconte comment est née sa passion pour la motoneige et pourquoi elle a décidé de créer sa compagnie She Shreds Mountain Adventure, une compagnie qui offre entre autres des leçons de motoneige et c'était au départ uniquement que pour les femmes. Et puis petit à petit, ben, elle a eu des demandes d'hommes. Alors maintenant, elle dirait que sa clientèle est autour de 70 % de femmes et 30 % d'hommes. Quand moi, j'ai commencé, il n'y avait pas de leçons pour prendre, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait rien. Il n'y avait presque pas de femmes qui faisaient ça. C'était le backcountry, c'était tous les gars, puis c'était vraiment dur de to try to keep up with the boys. J'ai pleuré beaucoup. Fait que je me suis dit, hey, man, pour les autres femmes qui veulent faire ça, je vais commencer quelque chose pour que ça puisse être un petit peu plus facile pour eux. Je voulais commencer une compagnie qui aidait les femmes pour être dans le backcountry en motoneige. J'ai commencé ça à Whistler, Pemberton. C'était vraiment une place busy. Fait que c'était un petit peu plus facile pour commencer ma compagnie là. 14 ans plus tard, j'avais pas acheté une maison, puis les prix d'acheter une maison, là, c'était débile. Je serais jamais capable d'acheter une maison, là. Mon partenaire, Ross, il a toujours eu une maison ici à Nelson, puis on est devenu enceinte, puis lui a suggéré, hey, on n'habite plus avec des colocs, là, à Whistler. Ah oui, on déménage à Nelson. J'ai dit, OK, time to grow up, let's go. Fait que j'ai déménagé ici, ma compagnie était déjà commencée, fait que j'étais confortable d'aller quelque part un petit peu plus loin, harder to access, you know, les aéroports autour d'ici, c'est few and far between, and puis là, je suis en amour avec cette place-ci, je déménage plus, puis je reste ici le restant de ma vie. Ah, ça donne envie quand même. Julianne Chapman qui parle du rôle des femmes dans des sports d'hiver extrêmes. Est-ce que ça revient dans d'autres épisodes, Virginie? Oui, ça revient. Dans le troisième épisode, on suit Mélanie Bernier, cette fois-ci la première Canadienne à remporter une médaille dans le circuit de la Coupe du monde en ski alpinisme. Mmh. Elle raconte que c'est important pour elle d'être une source d'inspiration pour les femmes. En fait, c'est un sport qui est vraiment dominé par les hommes en général parce que ça prend beaucoup d'endurance. Ça fait mal s'entraîner, là. Tu sais, avec l'entraînement, moi, j'étais obligée comme de modifier mon entraînement pour m'adapter à mon cycle à moi parce que ça marchait pas d'une certaine manière. Fait qu'il y a tellement de variables, puis il y a tellement d'éléments qui veulent te dire d'arrêter. Veux pas, on s'entraîne l'hiver. Ici, des fois, il me fait moins 20. Tu sors avec presque rien. Tu portes sur ton dos parce que tu t'entraînes en spandex. Ça fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui font que c'est inconfortable. Et là, je vous demandais tout à l'heure, Virginie, si ça vous a donné envie de partir à l'aventure. Est-ce que vous avez envie d'essayer peut-être des nouveaux sports de plein air? Eh bien, bonne question. Oui et non. Je suis une femme active. Ceci dit, peut-être pas aussi aventureuse que les femmes du balado. Par contre, ça m'a amenée à réfléchir à l'aspect environnemental des sports de plein air, particulièrement dans le quatrième épisode. On découvre Alexandra Pronovo à Red Lake qui pratique le splitboard. Oh, qui devient de plus en plus consciente. Qui est une forme de planche à neige. Et ben, pour elle, le respect de l'environnement, c'est vraiment une facette très importante. Et elle explique que les questions environnementales ont eu un impact sur la pratique de son sport. Et puis, elle nous explique qu'elle a une certaine réserve aussi avec le développement d'une nouvelle montagne de ski. On l'écoute. Je deviens de plus en plus consciente aussi de mon impact, même juste en tant que petite humaine qui monte en peau d'ascension. J'ai un impact. C'est de prendre conscience de cet impact-là. On est des humains, on a un impact. On n'est pas seul. Quand tu entres dans le backcountry, tu entres aussi dans le domaine des grizzlies, des carcajous, des caribous. Et tu peux avoir un impact très négatif sur eux. Est-ce qu'on veut les préserver? Est-ce qu'on veut pas partager l'espace avec eux? Moi, c'est là que j'en suis. Zington propose une station de ski en plein milieu d'un corridor, en plein milieu d'une zone d'hibernation des grizzlies, en plein milieu d'un territoire qui est encore très difficile d'accès, donc très propice à la présence des grizzlies. Avoir 1200 personnes par jour à une station de ski en plein milieu de ce corridor-là, on signe l'arrêt du grizzly blanc sur nous. On vient d'écouter Alexandra Pronovo, l'une des femmes présentées dans le balado Nature Elle, qui est présentée par Fran West du côté des Kootenays. C'est intéressant ce qu'elle dit. Vraiment. Ouais. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et ben, bonne nouvelle, hein, y a un épisode qui est déposé chaque semaine. Mm-hmm. Y a un court-métrage qui a été lancé hier, donc le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et du mois de la francophonie également. Alors vraiment, je vous encourage à aller découvrir, à aller poser l'oreille sur ce beau projet. Je rappelle qu'il est mis sur pied par l'Association des francophones des Kootenays West, l'AFCO. C'est très bien fait et c'est disponible sur plusieurs plateformes et sur le site web de l'association www.afco.ca. Ben Virginie Beauchamp, vous reviendrez? Absolument, ça me fera plaisir. Trop souvent, je fuis.